tes mains. Tu es mon seul souci, chéri de l'année. Et la canigno kangelina et longina pour salama casina, si ma tama solo. Yo yo eh, yo yo eh. Ma salama ya et balé fumo la passe partout. Il salata ma casana, somme la mama na vie, ma belle zambé na poudou. Batonga immeuble, papa lisanga di. Oya ma bolo mani na diamante maye. photos.